بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui le mercredi 14 Ramadan de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 5 avril 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce mois béni de Ramadan afin de poursuivre ensemble cette série sur les mérites des compagnons radiallahu anhum. Dans les cours précédents, on a parlé des 10 compagnons annoncés au paradis. Qu'Allah les agrée tous. Et aujourd'hui, on va passer par des mérites qui ont été rapportés par rapport à un ensemble de compagnons. Et donc, on va avoir des mérites qui concernent plusieurs des compagnons qu'on a vus précédemment et d'autres qu'on n'a pas encore vus. Le premier de ces mérites concerne la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc je disais, le premier de ces mérites concerne la famille du prophète alayhi salatu wassalam. À leur sujet, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé: Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin min an-nisa' in ittaqaytun fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati lula وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا Dans le sens approximatif de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, il leur dit: ô femmes du prophète, vous n'êtes semblables à aucune des autres femmes. Si vous faites montre de piété, n'adoucissez pas vos propos pour que les cœurs malades n'aient pas des vues sur vous, des vues malsaines. Ne tenez que des propos décents. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de se tenir à leur foyer. Il a dit: demeurez dans vos foyers et n'exhibez pas vos charmes, comme faisaient les femmes de l'époque pré-islamique, al-jahiliya. Accomplissez la salat, acquittez-vous de la zakat, obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut qu'éloigner de vous la souillure. « Ô gens de la maison du prophète, alayhi salatu wassalam, il veut pour vous vous purifier complètement. Allah veut vous purifier complètement. » Donc, comme vous avez pu le constater dans ce verset, si le son est faible sur Mixeller, vous pouvez rejoindre Telegram, il doit être meilleur, ou peut-être que c'est pareil. En tout cas, ça représente un des mérites de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça, Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, il disait: « Urqubu Muhammadan, sallallahu alayhi wa sallama, fi ahli baytih. » Il disait, radiallahu anhu, « Préservez le prophète, alayhi salatu wassalam, en veillant sur les membres de sa famille. Et selon Abu Humayd al-Sa'idi, qu'Allah l'agrée, il a dit que les gens disaient au prophète alayhi salatu wassalam, comment pouvons-nous faire la salat sur toi? Il a dit alayhi salatu wassalam, قولوا dites اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Cette version est rapportée dans les deux authentiques. Et c'est meilleur pour le serviteur d'apprendre plus d'une version de tashahhud et de salat sur le Nabi alayhi salam afin de varier et de ne pas tomber dans la routine et l'habitude et dire les choses sans les méditer. Ça vous aide dans ce sens-là. Celui qui varie les formules qui sont toutes rapportées authentiquement. Donc, ils ont demandé au prophète alayhi salam comment on fait la salat sur toi. Yani comment on fait la salat sur toi. Salat sur le prophète alayhi salam de notre part, c'est l'invocation. Et salat de la part d'Allah sur ses serviteurs, c'est leur faire des éloges parmi les anges. Il leur a enseigné de dire Allahumma salli ala Muhammad. Ou Allah accorde tes éloges à ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à ses épouses et à sa descendance, comme tu l'as fait pour la famille de Ibrahim. Et accorde ta bénédiction à Muhammad et à ses épouses et à sa descendance, comme tu l'as accordé à la famille de Ibrahim, car tes dînes qu'on te loue et qu'on te rende gloire. Selon Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu, il a dit, un jour on était avec le prophète alayhi salam. Il s'est levé, il a fait un discours à un endroit qui s'appelle Khum, qui se trouve entre Mecca et Al-Madina. Il a loué Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a glorifié, il a fait ses éloges et il a exhorté les gens, il leur a fait le rappel. Ensuite il a dit, ô vous les gens, je suis un homme, bientôt le messager d'Allah me viendra et je répondrai à son appel, yani l'arrivée de la mort. Et je laisse parmi vous deux thaqalayn, deux choses lourdes. La première, le livre d'Allah, dans lequel il y a la guidée et la lumière. Attachez-vous au livre d'Allah et cramponnez-vous au livre d'Allah. Et ensuite il a dit, et les gens de ma famille, et les gens de ma famille, je vous rappelle, les gens de ma famille. Et il l'a répété trois fois. Hussein a dit à Zayd, le compagnon qui rapporte le hadith, il lui a dit, est-ce que ses épouses font partie de sa famille, il lui a dit, les épouses de l'homme font partie de sa famille. Mais sa famille qui est visée ici, c'est ceux pour lesquels l'aumône est interdite. Et ça, comme on a vu, ce sont les descendants de Abu Talib, les trois Ali, et Aqil et Ja'far, radiyallahu anhum, et la descendance de l'oncle du prophète alayhi salam, l'Abbas. Donc la famille du prophète alayhi salam, ils descendent tous de deux de ses oncles, Abu Talib et l'Abbas. Hamza radiyallahu anhu, qui était musulman, lakin il n'a pas eu de descendance. Selon Abu Sa'id al-Khudri, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, par Allah, ils nous détestent nous, la famille, les gens de la maison du prophète alayhi salam, ou les gens de la famille du prophète alayhi salam, ils nous détestent quelqu'un sans que Allah ne le fasse entrer dans le feu. Ça, c'est une menace pour celui qui déteste les gens de la famille du prophète alayhi salam. Et Al-Sunnah, c'est eux qui aiment les gens de la famille du prophète alayhi salam comme Allah a ordonné, et non par Rafida, qui exagèrent à leur sujet et qui les divinisent. Et ils disent, yani, certaines sectes parmi eux, ils disent que Ali radiallahu anhu est une divinité. C'est lui qui a tout créé. Ça existe dans leurs livres. Et ils adorent le Hussein. Ils lui vouent des adorations. Ils l'invoquent. Ils croient qu'il est vivant et qu'il n'est pas mort. Et que le descendant d'une divinité ne pourra pas mourir. Dans d'autres égarements, Alhamdulillah qui nous a préservés de leurs égarements. Et après, comme vous savez, fait partie de leur religion, de rendre mécréants la totalité des compagnons, à l'exception de 3 ou 4, selon les avis chez eux. Mais sinon, la globalité des compagnons ont apostasie après le prophète alayhi salam selon ses égarés. Et c'est qui nous a transmis l'islam? C'est ses compagnons. Donc, il n'y a plus rien. Est-ce qu'il y a encore une source pour avoir l'islam authentique? Selon eux, c'est quelqu'un qui est né 4 siècles, 5 siècles après le prophète alayhi salam et qui est infaillible car il est un descendant du prophète, c'est lui qui va leur rapporter le vrai islam. Donc le vrai islam, c'est pas ce qu'on a nous entre les mains. C'est ce que cet homme, 4 siècles ou 5 siècles après, il va rapporter. C'est exactement le même égarement pour voir que les ruses de Shaitan, c'est les mêmes. C'est exactement ce que Shaitan a fait avec les chrétiens. Est-ce que les chrétiens, ils suivent ce qui a été ordonné par Jésus, par Isa alayhi salam? La réponse non. Est-ce qu'ils suivent ce qui a été transmis par ses apôtres, ceux qui l'ont vu, ceux qui ont passé beaucoup de temps avec lui? La réponse non. Qu'est-ce qu'ils suivent alors? Ils suivent ce qu'un homme qui s'appelle Paul, qui était un grand ennemi de Isa alayhi salam et de ses apôtres, et qui était un juif, et qui excellait dans la science de la philosophie, un romain, cet homme, ils suivent ce que cet homme leur dit. Pourquoi? Parce que cet homme, soi-disant, qui n'a jamais vu Isa alayhi salam, et qu'il détestait jusqu'à sa mort, mais après sa mort, sans l'avoir vu une seule fois. Après sa mort, un jour, il marchait sur une plage, et Isa s'est manifesté à lui et il lui a donné la vraie religion. Il lui a dit: tout ce que les apôtres ont, c'est pas bon. Ce que je te donne maintenant, c'est ça qui est vrai. Et c'est pour ça, ce soi-disant Saint Paul, c'est lui qui leur a rendu autorisé toute chose. Il n'y a plus d'interdit dans leur religion. Le porc est devenu autorisé, le vin est devenu autorisé. C'est cet égaré qui a changé leur religion. Et Allah Musta'an, ils l'ont suivi comme les Rafida aujourd'hui. L'égarement, c'est toujours le même. Ça peut changer de nom, ça peut changer d'époque, de pays, lakin le fond, c'est le même. Enfin, alhamdoulillah qui a fait de nous des muslimines qui s'attachent au livre d'Allah et à la sunna de son prophète alayhi salam, comme ça a été pratiqué par le Nabi alayhi salatu wassalam, et comme ça a été compris par le Nabi alayhi salatu wassalam, et comme ça a été transmis par les compagnons, qu'Allah les agrée tous. Et ces égarés, en général, dès que tu rentres dans leur égarement, tu vas constater des dérives incroyables. quand, c'est des gens qui ne sont pas saints. À de les égarer comme ça, comme Rafida, comme les chrétiens. Dès que tu rentres chez eux, tu constates des choses incroyables. Tu vas trouver que les prêtres dans les églises, ils sont pédophiles, ils font la fornication, ils tuent les bébés. Tu vas chez Rafida, tu vas trouver que le plus grand d'entre eux à notre époque, qui se fait appeler Ayatollah al-Khomeini, il a eu des relations sexuelles avec un nourrisson, avec un petit bébé. Et celui qui l'accompagnait, qui a rapporté cette histoire dans un livre très connu, Lillahi thumma littarikh, il a été choqué. Naam, tu aurais pu avoir l'épouse de l'homme qui nous a accueillis, ça lui aurait fait énormément plaisir de t'offrir son épouse, comme ils le font à Rafida. C'est pour ça, c'est des enfants de fornication. Tu aurais pu avoir des rapports avec sa fille qui est plus âgée. Pourquoi celle-là? Il lui a dit, c'est autorisé, lakin, uniquement entre les jambes, sans pénétration. Allahu Akbar, la miséricorde. Wallah al-musta'an. Moi-même, leurs égarements, c'est des choses, peut-être que vous entendez ça pour la première fois de votre vie, ça va vous choquer et alhamdoulilah, vous éloignez encore plus de ces égarés. Rafida, c'est des égarements incroyables. Shirk, c'est tawhid chez eux. Adorer autre qu'Allah, c'est ça l'islam. Comme An-Nasara. An-Nasara, trois divinités en une seule. Est-ce que c'est trois divinités? Non, c'est pas trois, c'est une seule. Mais c'est Jésus, Allah, Saint-Esprit. C'est trois. Non, c'est trois, walakin c'est une seule. Et je vous laisse comprendre. Après, quand ils sont bloqués, les plus intelligents parmi eux, ils disent, c'est des choses qui dépassent l'entendement. C'est pas possible de comprendre avec la raison qu'on a aujourd'hui. On croit en cela. Taïb, on croit, ramène-moi des choses rapportées authentiquement de Jésus, avec une chaîne de transmission continue jusqu'à lui. Je veux bien. Lakin, moi je t'invente une chose, je te dis, Jésus m'a dit, c'est bon, vous allez tous me suivre. Wallah Moussa. Alhamdulillah qui nous a préservés de leurs égarements. Selon Ali ibn Rabi' al-Asadi, il a dit, j'ai rencontré Zayd, et il lui a dit la même chose. Ce qui a précédé dans le hadith précédent. Je laisse parmi vous deux choses qui sont lourdes, auxquelles je vous recommande de vous cramponner. Le livre d'Allah et soyez bons envers les gens de ma famille. Et ce qui a été rapporté selon Jabir, il a dit, j'ai vu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dans son pèlerinage, le Nabi Assalam n'a fait qu'un seul pèlerinage, c'est ce qui s'est fait appeler Hajjatul Wada', le pèlerinage d'adieu. Il a dit, je l'ai vu dans le jour de Arafah, sur sa chamelle, Al-Qaswa, c'est parmi les chamelles qu'avait le prophète Assalam. Et il tenait un discours. Il a dit, je l'ai entendu dire, j'ai laissé parmi vous deux choses, vous ne serez jamais égarés tant que vous vous attachez à ces deux choses-là. Le livre d'Allah, et je vous recommande les gens de ma famille. Yani, ça, c'est la version qui concerne, mais ce qui est rapporté le plus, bien évidemment, dans le hadith, c'est le livre d'Allah et la sunna du prophète. Si elle n'est pas mentionnée, c'est qu'elle est dans le livre d'Allah. Et de toute façon, les gens de la famille du prophète, c'est ceux qui suivaient la sunna, comme Ali radiallahu anhu, comme Al-Hassan, comme Al-Hussein, et ainsi de suite. Comme Fatima radiallahu anha, et ainsi de suite. Aussi d'autres mérites qui ont été rapportés par rapport à Abu Bakr et Omar radiallahu anhu, les deux, dans le même hadith. Al-Nabi alayhi salatu wassalam, un jour, il a dit aux compagnons, j'ai rêvé et j'ai vu dans mon rêve que je tirer l'eau d'un puits. Et ensuite, Abu Bakr est venu. Il a pris la relève, il a tiré un seau ou deux. Il a tiré un seau ou deux d'eau de ce puits. Et il y avait une faiblesse dans la manière de laquelle il sortait l'eau du puits. Le Nabi Al-Sallam a dit qu'Allah lui pardonne. Qu'Allah lui pardonne. Et ensuite est venu Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Et il a tiré l'eau, il a dit, je n'ai jamais vu un homme fort, un génie, qui sort l'eau du puits comme lui, il le faisait. Il le faisait à la perfection. Il a dit, jusqu'à ce que les gens, tous, ont pu boire, jusqu'à ce que tout le monde a pu boire, les gens avec leur bétail, et qu'ils se sont allés se reposer. Yani, est un signe qu'ils étaient rassasiés. La signification de ce hadith, c'est que, à l'époque, yani, que le califat de Abu Bakr n'a duré que 2 ans et demi. Contrairement au califat de Omar radiallahu anhu, qui a duré 10 ans et demi. 10 ans et demi. Et que les gens à son époque étaient dans une grande stabilité. Abu Bakr, il a connu la période des apostats, ceux qui ont apostasie de l'islam, les guerres, tout ça. Donc il y avait un peu d'instabilité, radiallahu anhu, à son époque. Mais quand Omar est arrivé au pouvoir, c'était la grande stabilité dans la Ummah. Et que les gens ont énormément profité du khilafa de Omar radiallahu anhu, car elle a duré longtemps, plus de 10 ans. Et le pays, la communauté s'est énormément élargie. Ils ont conquis énormément de terres. Ils ont pris aussi énormément de butin et de richesses. Et les gens ont été, à son époque, dans un grand bien. Dans un grand bien. C'est ça que cela signifie. Comme vous savez, le khilafa de Abu Bakr a duré 2 ans et demi, Omar 10 ans et demi, Uthman 12 ans, Ali 5 ans. Au total, 30 ans à peu près. Et dans une autre version de ce même hadith, Nabi Al-Sallam, il a dit, Omar, il a tellement sorti d'eau que les gens ont pu tous boire avec leur bétail et le bassin d'eau dans lequel il versait l'eau était resté rempli encore. Et la signification, l'interprétation de ce rêve, comme les savants ont dit, c'est comme ce que j'ai cité précédemment, comme dans Fath al-Bari. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il raconte quand Omar était malade, après avoir été poignardé par Abu Lu'lu' al-Majusi, le grand ennemi d'Allah, il était sur son lit et Abdullah ibn Abbas était devant lui. Et les gens, ils invoquaient Allah en faveur de Omar. Ils disaient énormément de bien de lui. Et quand son âme a quitté son corps, les gens, ils faisaient ça. C'est quand il était sur son lit, quand son âme a quitté son corps, quand il a décédé, les gens faisait dua et disait du bien de Omar. Abdullah ibn Abbas, il dit, à un moment, j'ai senti quelqu'un derrière moi qui m'a pris par l'épaule. Et je me suis retourné, j'ai vu que c'était Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Et il a demandé à ce que Allah fasse miséricorde à Omar. Et il a dit, il n'y a personne après Omar que je souhaiterais, il n'y a personne comme Omar, après lui, que j'aurais aimé rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec les mêmes œuvres que lui. donc le dernier de ceux avec les œuvres duquel il aurait aimé rencontrer Allah, c'est Omar. Et il a dit, par Allah, je savais qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait te placer à côté de ses, à côté de tes deux compagnons. Il a dit, par Allah, je savais qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait te placer à côté de tes deux compagnons. Car pendant le vivant du prophète, alayhi sallam, je l'entendais énormément dire, je suis sorti, moi et Abu Bakr et Omar. Je suis revenu, moi et Abu Bakr et Omar. Je suis venu, moi et Abu Bakr et Omar. C'est pour ça que j'espérais et je pensais qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait te placer à côté d'eux dans ta tombe. Effectivement, Omar radiallahu anhu, avant sa mort, il a envoyé quelqu'un demander à Aïcha de lui permettre d'être enterrée à côté de ses deux compagnons. Et elle a accepté. Et depuis ce jour-là, elle n'est plus rentrée dans sa maison. Elle n'est plus rentrée dans sa maison par pudeur. Il y en a avant, il y avait son mari, son père. Là, il y a un homme étranger pour elle. Radiallahu anha. Et elle a accepté. Selon Abu Huraira, hadith qui a précédé dans les deux authentiques, celui à venir dans les deux authentiques. Selon Abu Huraira, il a dit, le messager d'Allah alayhi salatu wasalam a dit, pendant qu'un homme dirigeait une vache sur laquelle il avait chargé des poids, à un moment, la vache s'est retournée vers lui et elle lui a parlé. Elle lui a dit, je n'ai pas été créé pour cela, mais j'ai été créé pour labourer la terre. Donc c'est le Nabi A.S. qui rapporte ça, dans les deux authentiques. Les gens ont dit, subhanallah, par étonnement et par frayeur aussi, une vache qui parle, Nabi A.S. a dit, je crois en cela, et Abu Bakr et Omar également. Ça, c'est un mérite de ces deux hommes. Nabi Al-Islam n'a pas besoin de demander leur avis. Est-ce que vous croyez en cela? Moi, je l'ai dit, eux, ils croient. Et ça, ça démontre leur grande foi. Radiallahu anhu. Une autre histoire similaire, aussi dans les deux authentiques, Abu Huraira radiallahu anhu, il rapporte du prophète alayhi sallam, il a dit, pendant qu'un berger veillait sur son troupeau de moutons, un loup est venu attaquer une brebis. Il l'a pris. Il est parti avec. Le berger l'a poursuivi. Il a réussi à sauver la brebis du loup. Il l'a récupéré. Et quand il l'a récupéré, le loup lui a parlé et lui a dit, qui va la protéger le jour de As-Sabu', des animaux féroces, où je serai son seul berger. Je serai son seul berger. C'est moi qui va veiller vers les brebis. C'est qui va les protéger? Les gens ont dit, subhanallah, le prophète a dit, je crois en cela, Abu Bakr et Omar, radiallahu anhu. Selon Muhammad ibn al-Hanafiya, un fils de Ali, d'une femme qu'il a épousée après la mort de Fatima radiallahu anha, qui est de la tribu de Banu Hanifa. C'est pour ça, sa mère, Ali, elle est Hanafiya. Hanafiya, pas, elle suit le madhab al-Hanafi. Comme a dit un ignorant qui, soi-disant, fait tahriq d'un livre, quand il a lu que l'épée du prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam était Hanafi, il a dit l'épée du prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam suivait le madhab al-Hanafi. Et Abu Hanifa, il n'a pas vu le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam. C'est pas un sahabi. Comment son épée, elle va suivre son madhab? Tayyib. Donc, Muhammad ibn al-Hanafiya, Il a dit, j'ai posé la question à mon père, Ali ibn Abi Talib. Je lui ai dit, qui est le meilleur homme après le prophète alayhi salam? Il a dit, Abu Bakr. Il a dit, Abu Bakr. Ce hadith est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Et celui qui dit ça, c'est Ali ibn Abi Talib. C'est très important. Un Ravida, il rend mécréant Abu Bakr Siddiq. Il prétend suivre Ali. Ali, il dit, le meilleur des hommes après le prophète, c'est Abu Bakr Siddiq. Il lui a dit, ensuite, il a dit Omar. Et ensuite, et il n'a pas posé la question une troisième fois, il a dit, Mohammed ibn al-Hanafiya, j'ai eu peur qu'il me dise Uthman. Il lui a dit, et toi, ô messager d'Allah, il lui a dit, oh toi, mon père. Il lui a dit, moi, je suis un homme parmi les musulmans. Lakin, il savait que s'il lui avait posé la question, il aurait dit en troisième place, Uthman ibn Affan, radiallahu anhuma. Et de toute façon, c'est ça le classement, leur classement dans le mérite, comme dans leur classement dans la gouvernance. Selon Hudhayfa ibn al-Yaman, il a dit, on était assis auprès du prophète, alayhi salatu wassalam. Il a dit, alayhi salatu wassalam, je ne sais pas combien de temps je vais rester parmi vous. Prenez comme modèle ceux d'après moi. Et il a indiqué Abu Bakr et Omar. Il a dit, prenez-les comme modèle après moi. Et suivez la guidée de Ammar ibn Yasir. Et croyez en la véracité de ce que vous dit Abdullah ibn Mas'ud. Dans une autre riwaya, wa alaykum bi ahdi ibn ummi abd. Attachez-vous aux recommandations de ibn ummi abd, qui ibn Mas'ud. Et c'est ça qui est voulu. C'est pour ça, beaucoup de recommandations ont été rapportées de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Et ses élèves ont rapporté de lui énormément de recommandations et d'exhortations. Aussi par rapport à Abu Bakr et Omar, il a été rapporté que ce sont les maîtres des hommes d'âge mûr des gens du paradis. Les hommes d'âge mûr du paradis, leur maître et les meilleurs d'entre eux, c'est Abu Bakr et Omar, radiallahu anhuma. À l'exception, à une seule exception, les prophètes et messagers. Les prophètes et messagers. Et ceci a été rapporté de Nabi alayhi salatu wassalam selon Abu Juhayfa. Il a dit, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, Abu Bakr wa Omar, Sayyida kuhuli ahlil jannah min al-awwalina wal-akhirin. Illa al-nabiyina wal-mursalin. Il a dit, Abu Bakr et Omar sont les maîtres des hommes d'âge mûr des gens du paradis, parmi les premières générations et les dernières, à l'exception des prophètes et messagers. Ali ibn Abi Talib, il dit, pendant que j'étais assis avec le messager d'Allah, il n'y avait personne d'autre avec nous. Tout d'un coup, est venu Abu Bakr et Omar. Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam, quand il les a aperçus de loin, et ils étaient l'un, la main de Abu Bakr, dans la main de Omar, ils marchaient ainsi, il a dit, ce sont ces deux-là, il les a indiqués de loin, à Ali radiallahu anhu. Il lui a dit, ces deux-là, ce sont les maîtres des hommes d'âge mûr des gens du paradis. Parmi les derniers, parmi les premières générations et les dernières générations, à l'exception des prophètes et messagers. Et il lui a dit, et ne leur dis pas. Et Ali, radiallahu anhu, il a dit, je ne leur ai pas dit pendant leur vivant. Et s'ils étaient vivants, je n'aurais pas rapporté ce hadith. Il l'a rapporté après leur mort. Donc il a dit qu'il l'a rapporté après leur mort. Selon Omar, il a dit un jour le prophète, et ce hadith on l'a déjà vu, le prophète leur a ordonné de faire des sadaqas. Et Omar, ce jour-là, il avait de l'argent. Donc il était content d'avoir de l'argent, de quoi donner une sadaqa. Il a ramené la moitié de tout ce qu'il possédait. Et il a dit, aujourd'hui, je vais devancer Abu Bakr, ne serait-ce qu'une seule fois dans ma vie. Et quand il est venu, il a donné tout ce qu'il a ramené au prophète, et après lui est venu Abu Bakr. Et il a ramené tout ce qu'il avait. Le Nabi lui a dit, qu'est-ce que tu as laissé aux gens de ta famille? Il a dit, je leur ai laissé Allah, je leur ai laissé, après il a dit, je leur ai laissé Allah et son messager. Ensuite, Omar radiallahu anhu a dit, plus jamais je n'essaierai de te devancer. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salam a dit, l'homme parmi les gens de Illiyin, inna al-abrara la fi Illiyin, Illiyin, c'est le nom du haut du paradis. Comme on comprend de ce mot, l'ulou, l'élévation. C'est le nom du haut du paradis. Nabi alayhi salam, les gens du. L'homme parmi les gens du haut du paradis, l'Illiyin, il voit les gens du paradis comme un astre brillant. C'est-à-dire, il a la distance entre lui et les gens du paradis est immense. Il les voit comme nous, on voit les astres brillants dans le ciel, dans la nuit. Et il a dit, et Abu Bakr et Omar font partie de ces hommes-là, qui vont être très distants des gens du paradis, très haut. Et il a dit, même par rapport à eux, il a dit, وَأَنْعَمَا, c'est-à-dire qu'ils vont même dépasser ce statut que le Nabi a décrit. Ils vont même le dépasser ce degré que le Nabi a décrit, l'Illiyin. Ils vont arriver au bien-être suprême du paradis, dans lequel ils seront placés. Et dans lequel aussi ils seront plongés. Radiallahu anhu. Par rapport à ce qui a été rapporté des trois premiers califes bien guidés, Abu Bakr et Omar et Uthman. Un jour, selon Anas radiallahu anhu, un jour le prophète alayhi salam a escaladé la montagne de Uhud. Il y avait avec lui Abu Bakr et Omar et Uthman. La montagne a commencé à trembler. Le Nabi alayhi salam lui a dit, il s'est adressé à la montagne, il lui a dit, Uthbut Uhud, ne bouge pas Uhud. Car il y a sur toi seulement un prophète, un véridique et deux martyrs. Un prophète, un véridique, Abu Bakr, deux martyrs, Omar et Uthman. Donc Omar et Uthman, on peut dire que c'est des martyrs, car c'est rapporté dans les textes. Comme vous savez, Aqidat al-Sunnah al-Jama'a en témoigne en faveur de personne qui les martyre, sauf ceux au sujet desquels il y a eu des textes qui ont été rapportés. Selon Abi Bakr radiallahu anhu, le prophète alayhi salam, un jour il a dit à ses compagnons, qui d'entre vous a fait un rêve? Et ça, c'est arrivé au prophète alayhi salam après salat subh. Il demandait aux compagnons de lui rapporter ce qu'ils ont vu dans leur rêve. Un homme a dit, moi, au messager d'Allah, j'ai vu une balance qui a été descendue du ciel. Il a dit, j'ai vu une balance qui a été descendue du ciel. Et t'as été pesé toi et Abu Bakr. Et t'étais plus lourd dans la balance que Abu Bakr. Ensuite, Abu Bakr a été pesé avec Omar. Abu Bakr était plus lourd dans la balance. Et ensuite, Omar a été pesé avec Uthman. et Omar était plus lourd dans la balance. Et ensuite, la balance a été levée. Et le Nabi Issa salam, et ils ont dit, quand on lui a rapporté cela, on a vu sur lui yani, un changement, une détestation yani, par rapport à son interprétation de ce rêve, et l'interprétation n'a pas été citée. Le hadith a été rapporté par Abu Dawud, al-Tirmidhi, al-Nasa'i, al-Hakim, et c'est un hadith Hassan. Par rapport à ce qui a été rapporté au sujet des quatre califes, au sujet des quatre califes, selon, je vais voir combien de temps on a fait. Oui, peut-être que nous allons nous arrêter ici et on continuera demain, inshallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum. Wa jazakum Allahu khaira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.